Fuck off, c'est pas vrai ça. Hey, une minute là. Wow, c'est bon homme. C'est des histoires de bons hommes, ça. Bon, puis quand elles le portent pas, ben elles se font réprimander quand c'est pas pire que ça, ou quand c'est rendu au bout, là, ben il est sac dans le lac. OK? On l'a vu, c'est correct? Non. Hey, wow, là, faut pas. Hey, c'est l'autre choix. C'est des folles. Ne porte pas le voile, il ne laisse pas mourir les aînés. Mais oui, il est parfois un maudit fou. Voici votre animateur, Jean-Philippe Baudier. Bon! Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de lire et de relire le manifeste des Jeannettes. Fred Savard, bonsoir! Toujours prêt? Non! c'est pas ces Jeannettes-là, pas celles qui peinturent des couleuvres dans le bois. Ah non, okay. C'est le manifeste de Jeannette Bertrand, vous l'avez tous vu cette semaine. Le manifeste, c'est vite dit, c'est un paragraphe, là. C'est un beau paragraphe. D'ailleurs, notre belle Jeannette va être à Tout le monde en parle cette semaine, alors si vous voulez en savoir plus sur son paragraphe... Mais là, ils ont-tu invité des gens, genre des inclusives, pour lui donner la réplique? Je pense que Jeannette est capable de se donner elle-même la réplique. Ah ouais? Oui. Pas au pire, ils ont un qu'à inviter Denise Filiatro. Ah ouais, non. Elle va dire que quand t'as ça dans ton équipe, pas besoin d'adversaire. Non. Sinon, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu l'opinion de Fabienne Larouche. Ben oui, elle en pense quoi, elle? Ah, va falloir regarder 30 vies, c'est la semaine prochaine. Ah ouais? Il y a un épisode, il paraît que c'est des talibans qui transforment une polyvalente en mosquée. Hein, et ils obligent... Non, c'est vrai. Ils obligent Marina Orsini à désapprendre à lire. Hein, et je pense à redevenir vierge de Marc Gagnon. Une affaire de fou. Bon, c'est quoi écrit avec Régent Tremblay? C'est dans le réalisme. Elle fait du documentaire, ça? Oui. Mais là, on rit, mais il nous manque l'opinion de qui sur la charte, là? Honnêtement, on a entendu tout le monde. Attendez, il manque... Ah, il y a Mme Tuteau, je pense, qu'on n'a pas entendu encore. Elle est pas dans Jeannette, elle? Non, c'est une Jeannine, elle. Ah. Humour social. Ouais, quand même. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette semaine? Ben, il y a la militante Malala, qui risque de recevoir la citoyenneté canadienne honorifique pour son combat pour les femmes pakistanaises. Ben oui. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui. D'ailleurs, je pense qu'il y a les femmes autochtones au Canada qui ont pris des notes. Ah ouais? Hein? Ouais. Elles vont se mettre un voile pour le prochain Adele No More. Ah ouais? Est-ce que ça va s'appeler Halla No More? J'ai pas dit les Jeannettes, Fred. J'ai dit les Autochtones. Ah! Ouais. Les squaws! Fred, on n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Ben là, Denise, s'il y a trois, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Moi, tu joues dans le mais Denise s'est excusée. Ben, je m'excuse. Bon. On va dans le lac. Des folies, hein. qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah, ben, je sais pas si vous avez eu le temps de lire le discours du trône du gouvernement Harper. C'est bon, ça. Comment vous appelez ça? Voyons donc, le discours du trône, Fred, vous le savez. Non, après? Du gouvernement Harper. Harper. Ah, parce que ça a été prorogé longtemps, ben que vous rappelez plus c'est qui. Hein? Ben non! Ben oui, c'est le petit c'est le monsieur, là, cheveux gris, court, un peu bedonnant, un petit peu drabe. Ah, Olivier Niquette! Ben non! On fait de l'humour! Voyons, non, il est pas stable, ça se pourrait. Je sais c'est qui. Bon, c'est ça. Ouais. En tout cas, il est de retour, hein, et il veut notre bien. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Le gouvernement Harper va enfin s'attaquer à des graves problèmes sociaux. Oui. Ça, je pense que c'est très important de le mentionner. Par exemple, le premier, les frais d'itinérance. Mais là, j'espère, avec la réforme de l'assurance-emploi, c'est sûr qu'il va en avoir bien plus d'itinérance. Ah non, c'est pas ça, Fred. C'est les frais des compagnies de téléphone cellulaire quand vous voyagez. Ah! Ouais, c'est ça le problème. Ouais. On voyage trop. Ben, c'est ça aussi. C'est une plaie sociale, ça, je suis content. Le gouvernement Harper, il est là-dessus. Représente. Ouais. Sinon, les autres priorités, ça va être quoi? Il doit en avoir d'autres. Ben oui, la société va gagner. Ouais. Enfin, ils vont s'attaquer au forfait de télé. Et ça, je pense que c'est le temps que ça se passe. Enfin, un gouvernement qui met ses culottes. Oui. Et pour qu'on puisse enfin prendre des postes de télé hors forfait. Oui. Ça fait longtemps qu'on milite. C'est juste d'avoir un au lieu de. Ben, c'est ça. Non, mais il était sur le bord d'envoyer un envoyé spécial de l'ONU. Un observateur. Regarde, c'est ça. Non, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a annoncé d'autre? Ah, ben oui, des mesures pour les gens de Mégantic. Ah, oui, finalement, ils vont les dédommager? Non, pas vraiment. En fait, ils ont fait venir la mairesse en train. En train. Okay. Ben, l'avion, c'est cher. Ouais, on veut balancer le budget. Mais c'est un bon, quand même. De toute façon, tout va se régler tout seul avec la signature de l'accord de libre-échange avec l'Europe. Ben oui! Ça, c'est une très bonne nouvelle. Non, mais l'économie canadienne, franchement, c'est très bon. L'Europe, c'est quoi? C'est 500 millions de consommateurs. Ouais. C'est 28 pays. Dont 24 sont en faillite? 23, frère. Ah, la Pologne, ça va mieux. Okay. Deux semaines, c'est... c'est une bonne nouvelle. Non, c'est une très bonne nouvelle. On va imaginer tout le bon fromage qu'on va pouvoir acheter pour moins cher. Ah oui. Non, mais juste le Velvita, c'est 200 $ par année. Ah ouais. Level VIP. Puis pas les petites tranches, les grosses tranches. Les grosses tranches. Ah, ouais. Moi, j'achète en bloc. Ah oui? Ah ouais, moi, je fais des grilled cheese avec ça. Avec un bloc? Ben, ouais, mais même pas de pain. Ah. Juste de fromage. Bon. Un peu de beurre, la crème. Puis l'hôpital. Ouais, ouais, c'est ça, après, c'est ouais. Ça, ouais. Ça que j'imagine. Ouais. Hey, je sais pas si nos invités vont manger du Velvita l'année prochaine. Non, je sais pas. Non, non, mais c'est spécial. Oui, c'est spécial cette semaine. C'est très spécial cette semaine. Tout à fait, parce qu'on fait un débat cette semaine à l'émission. Mais contrairement aux autres médias qui font des débats avec les meneurs, ouais, hein, ouais. Nous, on a le cœur sur la main. On a décidé de laisser la parole aux exclus, ouais. Hein, ceux qui ont moins de chances de l'emporter, peut-être, et qui ont moins de visibilité dans les grands médias, mais qui jouent quand même le jeu de la démocratie. Mais là, les exclus, ça veut-tu dire qu'on va avoir encore Marcel Côté? Parce non. Qu'il est venu, là, une couple de semaines. Non. Non, non, quand même. Non. On joue plus haut un peu. Plus haut. Oh, oui. On reçoit mieux que ça. On reçoit dans une formule de débat. Les candidats à la mairie de Montréal, Michel Brûlé. Oui. On reçoit également Patricia Tulane. Et le dernier, non le moindre, Ponelle Paterne Matondo. Hé, hey, oui! Hé, hey, moi, là, ouais. J'ai envie d'aller voter direct là, là. C'est pas tout de suite, Fred, c'est pas tout de suite. Mais pour qui vous voudriez voter? Ah, c'est le fun. De toute façon, attendez de les entendre. Au moins, vous aurez le temps de vous faire une idée parce que la soirée est encore jeune. Alors, Olivier Niquette, les internets avant qu'on commence ce débat. Ben oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront lire un tweet de Christine Saint-Pierre qui va comme suit. Uh-huh. Sous un régime péquiste, la jeune Malala ne pourrait pas être médecin au Québec. Non. Et j'ajouterais, sous un régime péquiste, Mme Saint-Pierre ne peut pas être ministre, ce qui est peut-être une bonne affaire. OK, courrier des auditeurs. Oui. Ben, d'abord, on a Yann Parson qui nous dit « Je vous ai écrit le mois dernier. J'ai eu le bonheur d'entendre mon courriel lu en onde. J'aimerais être le premier à passer une deuxième fois à votre courrier des auditeurs. Comment faire? » Ben, c'est fait, mon Yann. Good! Félicitations, mais arrêtez de nous écrire, là. Bon. Enfin, on a une question aussi de Wilbert qui nous dit « J'ai entendu dire qu'Olivier Niquette était drabe. Est-ce que c'est vrai? » Ben, non. Ben, un peu. Quand même. Un peu. Jean-Sébastien Girard, on va aller le rejoindre immédiatement. Jean-Sébastien, comment ça va? Mon gros Jean-Philippe, comment allez-vous? Hey, que ça va bien. Mon gros Jean-Philippe? Oui, gros Jean-Philippe. OK, d'accord, ça va bien. Vous-même? J'ai eu la routine très bien, très, très, très bien. En fait, vous le savez, je suis quand même un petit peu fébrile parce qu'aujourd'hui, je vous propose une édition toute spéciale débat des exclus de Viens voir les politiciens municipaux, Jean-Philippe. Et de quelle façon ça va être spécial? En fait, je vais consacrer mes interventions à l'analyse de votre débat. Hein? Et pour ce faire, absolument, j'ai engagé une spécialiste, probablement la personne la mieux placée pour s'acquitter de cette tâche avec beaucoup de panache, puisque elle aussi, comme vos invités, a déjà été une exclue, une nobody, une quantité négligeable, risible et superflue, une personne dont on imaginait l'euthanasie comme celui-ci. Vous avez réussi à avoir André Boisclair. Une personne que j'ai moi-même humiliée publiquement cette année à l'émission. Ben oui, mais André Boisclair! Non! Une personne que j'ai traînée dans la boue, que j'ai ruée de coups métaphoriquement. Ben là, c'est André Boisclair, arrêtez de niaiser. Arrêtez de niaiser, ça va faire, là, la pauvre. Elle a déjà été assez occupée comme ça cette année. Bon, OK. Non, je vous parle d'une femme qui, aujourd'hui, triomphe, qui fait trembler tous les candidats aux élections municipales. J'ai nommé la future mairesse de Montréal. Louise Arel pour une deuxième semaine. La toute petite Mélanie Joly sera notre amie aujourd'hui, mon bon Jean-Philippe. Quel bonheur. Tout au long d'émission, elle va commenter votre débat, juger les candidats et nommer un grand vainqueur à la toute fin. Ah ben c'est génial ça, Jean-Sébastien, on a très hâte de vous réentendre. On se revoit dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. Fred, présentez-nous nos candidats à la mairie de Montréal. Pour ce débat des exclus 2013, accueillons d'abord une personnalité controversée du monde de l'édition qui a fait fortune grâce à Amos d'Aragon, qui veut devenir maire de Montréal et qui habite Québec. Accueillons M. Michel Brûlé! Comédienne et militante pour le droit des animaux et végétarienne, on aura peu de chance de la croiser au commensal pendant la campagne. Accueillons Patricia Tulane! C'est l'émission Infoman qui nous a fait découvrir cette perle de spontanéité, de dynamisme et visiblement il n'a peur de rien en venant à l'émission. Accueillons M. Ponelle Paterne Matondo! Alors, on a trois débatteurs de qualité ici ce soir. Alors ce sera, je vous explique les règles parce qu'il y a des règles dans tout débat. Hein. Ça c'est très très important, surtout à Radio-Canada. D'ailleurs, sachez que c'est un débat contrairement à l'autre là, qu'on écoutait avec Patrice Roy, où est-ce que c'était une discussion entre trois personnes, trois quatre personnes. Non non, ici on fait les choses pour vrai. Alors il y a des règles, ce sera à tour de rôle. Il y aura un temps défini évidemment pour répondre aux questions. J'aurai un chronomètre d'ailleurs, hein. C'est pas une blague. Et quand ce sera trop long, j'aurai quatre cloches pour vous avertir que c'est la fin. Soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Je vais choisir selon la personne, OK? Ça se pourrait d'ailleurs que je raccourcisse votre réponse si c'est trop plate. C'est ce que je me donne comme règlement ici. On a besoin que ce soit respectueux, c'est surtout la première chose. Hein, pour les candidats et surtout pour Fred Savard qui est susceptible et qui n'a pas décidé pour qui il allait voter encore. Okay. Il est donc un fruit mûr. Bon. D'accord. Je sais ce qu'il m'a dit, hein? Hey! Ah, c'est ça. On ne connaissait pas votre amitié. Je serai donc modérateur, intransigeant. On fait tout ça ici pour la ville de Montréal. Oui, on est des passionnés de Montréal. Absolument. Alors, on commence immédiatement avec la présentation. Vous aurez tous à peu près une minute pour vous présenter votre plateforme, votre programme. Et je commencerai avec M. Michel Brulé. Ça commence. Écoutez, je suis chef d'un parti qui s'appelle Intégrité Montréal. Je suis éditeur depuis 20 ans. J'ai vendu mes livres, je vendais mes livres dans les bars, vous comprenez. J'ai toujours été épris de justice, j'ai toujours dénoncé le copinage, et c'est ça le gros problème à Montréal, c'est le copinage. Moi, l'argent ne m'intéresse pas, j'aime mieux mourir qu'être croche, et je pense que je suis le seul qui est pour un Montréal français, parce que vous savez, dans toute ville bilingue, il y a une langue qui empiète sur l'autre. Et depuis 15 ans, l'anglais progresse au détriment du français. Donc, moi, je veux renverser la vapeur. Et c'est ça qui est important. Il faut que Montréal soit une ville française. Il faut que le français soit la langue commune de tous les Montréalais. Et aussi, je suis pour la charte. Donc, je veux que Montréal soit la métropole du Québec et non pas une banlieue d'Ottawa, comme mes adversaires chefs de parti. Aïe, c'est une minute pile. C'est extraordinaire. Je pensais avoir de la misère à vous contrôler pendant tout. Patricia Tulam, vous avez une minute maintenant. Alors moi, je suis comédienne, comme vous l'avez dit, Jean-Philippe, donc très habituée au rejet. Donc ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur, le rejet. Au contraire, moi, je suis du clan des exclus. Et je l'ai toujours été toute ma vie. C'est ça, être comédien, c'est se battre contre le rejet. Je pense que seuls les gens qui sont des exclus font avancer la société. Ce sont les gens qui ont des rêves qui font avancer la société. Et souvent, ils ont à se battre contre justement un establishment, des gens qui sont toujours avec des œillères, qui voient la politique de la même façon, la vie de la même façon, la ville de la même façon. Et c'est contre ces gens-là que les rêveurs arrivent et décident que les choses vont changer, vont évoluer. Alors moi, je suis du parti des rêveurs. Mon slogan, d'ailleurs, c'est « Réinventer Montréal ». Je suis aussi une citoyenne d'Hochelaga-Maisonneuve. Mm-hmm. Je vis dans mon quartier avec les citoyens qui vivent des problèmes quotidiens et qui me parlent de ces problèmes-là. Et je m'aperçois que les politiciens sont tellement déconnectés que ce que les citoyens disent ne se rendent pas aux oreilles des politiciens. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole. Parfait. Merci beaucoup, Patricia. Ah non, mais c'est bon. C'est parfait. Oh, hein. C'est un avertissement. Mais c'est pas... ça méritait une plus belle cloche que ça. Là, mais j'ai été un peu au C'est tellement au beau ce qu'elle a dit. Excusez-moi. Bon, voilà. Bon. Petit coq. Excellent. Petit coq. Alors, le dernier candidat, évidemment, Ponel Paterne-Matondo. Vous avez une minute maintenant. Oui, moi, c'est Ponel Paterne-Matondo. Je suis docteur en sciences politiques. J'ai une maîtrise en droit public. J'ai une maîtrise en gestion de l'humanitaire. Je fais actuellement une maîtrise en évaluation de programme à l'ENAP et j'ai un certificat en psychopédagogie. Donc, je suis un homme en quatre dimensions, la politique, le droit, la pédagogie et l'humanitaire. Donc, c'est ce que je veux amener à la ville de Montréal, replacer l'humain au centre de tout. Je ne veux pas me lancer dans les projets pharaoniques, mais redonner à l'humain tout ce qu'on lui a appris pendant une décennie et aider le Montréalais à respirer, à revivre. Et je veux penser à lui comme il faut. Dans la vraie vie, je suis homme de ménage. Et c'est pourquoi ça me tique d'aller à la mairie de Montréal pour faire le ménage. pas pour faire le changement, pour déplacer les meubles, mais pour faire le ménage, pour désinfecter. Et c'est pourquoi les Montréalais doivent voter pour moi le 3 novembre. Parce que je suis l'homme qu'il faut. Je suis l'homme qui est décidé, déterminé à faire le ménage. Ah, mais merci beaucoup, bravo. Hey, ça se passe très, très bien. Hein? Mais maintenant, on commence à aller vraiment dans le fond des choses. Je vais poser une première question à chacun de nos candidats. Je vais commencer par Patricia Tulane. On va parler un peu de votre programme qui parle de la qualité de vie, en particulier des chevaux de calèche. C'est ce que j'ai lu. Non, c'est vrai. Non, mais c'est pas du tout une blague. Hein, alors, parce que c'est pas ma question. En fait. Allez-y. Elle est toute simple. Ouais. C'est-tu vraiment une des priorités à Montréal? Parce que je veux dire, avez-vous vécu dans la même ville que nous cette année? C'est à vous. Ben pour moi, vous avez 45 secondes. Pour moi, c'est une priorité. Le dossier animalier, pour moi, c'est une priorité. D'accord. Et je suis très contente que Mélanie Joly soit là, d'ailleurs, parce que c'est un dossier qui n'est la priorité d'aucun politicien depuis des siècles. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je me bats pour les droits des animaux. Ça fait 30 ans que je vais porter des pétitions, que j'essaie d'allumer les gens. Et si les politiciens m'avaient écouté il y a 20 ans, mm-hmm. 30 ans, quand je prenais la stérilisation, par exemple, des chats domestiques à Montréal, on ne serait pas aux prises avec un fléau. On a 1 million de chats errants ici à Montréal qu'on ramasse et qu'on tue chaque année. 50 000 animaux par année sont tués chaque année à Montréal. C'est un scandale. On est en 2013, on est une ville qui se veut moderne, éthique, tournée vers l'avenir, et on agit comme au Moyen-Âge avec nos animaux de compagnie qui font partie de la société. On est tous responsables. Les politiciens, les propriétaires d'animaux, les vétérinaires, on est tous responsables collectifs de ce massacre qui se perpétue sur l'autel de notre indifférence. Voilà, wow! Je l'ai bonne dit. Réponse! C'est vrai, c'est très important. Et j'ai des solutions concrètes. Merci beaucoup. Ouais. Deuxième question concerne Ponelle Paterne-Matondo. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. En fait, vous partagez votre plateforme et vos idées sur Facebook. Hein? Oui. Ma question, pourquoi écrivez-vous toujours vos idées en majuscules? Vous avez 45 secondes. Mais c'est pour qu'elle soit bien lue de tous. D'accord. Maintenant, il y a Fred qui... Non, mais c'est important. Il y a Fred qui a lu quelques-uns de vos statuts Facebook. Partagez-nous un de ces statuts, Fred. Le sino-masochisme en politique, vous connaissez? Lorsque le cynisme des élus et le masochisme des électeurs s'accordent, ne tombez pas dans ce piège sans issue. Sinon, on parlera de Montréal comme on parle de l'Atlantide, une belle cité qui avait existé. Vous voulez dire quoi, par là? Je voulais dire c'est que... C'est quoi le sino-masochisme? Ou machisme, ou c'est une combinaison que j'ai trouvée du cynisme ambiant des politiciens ouais. et du masochisme des électeurs. Ah, ça, c'est intéressant. Qui acceptent, qui ont souffert pendant longtemps et qui veulent continuer à souffrir pendant longtemps. Mais, et je dénonce cela. Mais c'est sino, là, il faut le dire, c'est C-Y-N-O, parce que si c'est S-I-N-O, c'est le masochisme chinois. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas pareil. Mais, non, mais quand même, c'est important. Merci beaucoup de votre réponse. Et la dernière question concerne Michel Brûlé. Michel, sur vos pancartes, on peut lire 100% français, zéro corruption. Or, la presse publiait cette semaine un tableau sur la langue parlée à la maison à Montréal. Français 56%, anglais 19% et autres 25%. Alors la question, évidemment, où avez-vous suivi vos cours de stratégie politique? Ben écoutez, moi je parle 8 langues couramment, donc je suis ouvert sur le monde. Et c'est ça le problème, c'est que en ce moment, à Montréal, c'est pas compliqué. Vous avez les anglophones, la majorité qui s'identifie à l'empire anglo-américain. Puis un empire, ça veut dominer. Hein? Donc, nous, les Québécois francophones, on ne veut pas dominer, on veut s'affirmer et s'épanouir. C'est ça la question. Et évidemment, tu ne peux pas faire plaisir aux deux côtés. En fait, quel jeu de mots, aux deux côtés? Mais j'allais parler, par exemple, de Denis Coderre. Non, mais écoutez, Denis Coderre, par exemple, ouais. il a dit dans le Suburban qu'il était contre la loi 101. Vous comprenez? Mélanie Joly, qui est ici présente, a siégé au Conseil supérieur de la langue française. Et tout ce qu'elle a fait, c'est d'attaquer la loi 101, vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. On veut c'est que... terminé, malheureusement. C'est un débat. Hein. C'est moi, c'est, je suis tellement... c'est le temps. C'est le temps, parce que si on avait 2 heures, mais c'est la maudite émission de René après. Ah, ben oui. Regarde. Non, mais sans ça, on aurait été... Alors, bon, ben, je vous remercie beaucoup. On passe immédiatement... il nous reste presque plus de temps pour ce segment. Alors, je vais passer immédiatement à tour de rôle à un segment débat où j'invite chacun des candidats à poser une question à un autre candidat de votre choix. Mm-hmm. Évidemment. Alors, j'aimerais commencer immédiatement par Michel. Si vous avez une question à poser soit à M. Matondo ou soit à Mme Tulane, vous avez exactement 45 secondes pour y répondre. Non, mais c'est dur à calculer, tout ça. Pardon. Ou c'est trop... Ben, c'est rapide, c'est ouais, sûr. Je sais, mais c'est comme ça. Mais c'est moi, un débat, écoutez, hein. Moi, je pensais me battre contre Denis Coderre, contre Marcel Côté, contre Richard Bergeron. Ouais. Je pensais pas me battre contre les médias. Moi, ce que je vois, c'est la démocratie qui est en péril. Parce qu'on a la dictature des médias qui ont décidé de choisir pour les électeurs. Il y a 39 % des Montréalais qui sont allés voter aux dernières élections. Mais c'est justement il y en a la question 12 % que mais il y a 12 % des jeunes qui sont allés voter seulement. Et on se retrouve avec la même clique. Okay? Parce que même Mélanie Joly, qui est la seule nouvelle, dans le fond, elle va faire une alliance avec Marcel Côté. Elle a siégé avec lui, sur, à la Régie des rentes du Québec. Donc, c'est ça qui me frustre un peu, mais je vais quand même poser une question. Mon Dieu! À M. Matondo. C'est intéressant. Ben, oui, ben, justement, on en parlait justement de cette question de la démocratie et de la dictature des médias. Allez-y, M. Matondo. Alors, c'est une question ouverte. Question? Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un point d'interrogation en fin de phrase. Ouais, c'est ça. Ben, vous l'avez vu, merci. Ouais, c'est ça. Vous l'avez vu. Est-ce que vous souffrez aussi de ça? C'est un point d'interrogation majuscule. Voilà. Espagnol, il y en a deux d'un côté et de l'autre. Exactement. Ben, vous voulez parler de l'apartheid des médias? Ah! Allez-y, ah, allez-y. C'est un autre terme. Parler de dictature, apartheid, c'est peut-être encore mieux. Non, c'est pire que l'apartheid, parce que ces médias, c'est comme si nous combattions ces médias, alors que les médias devaient être des médias pour tous. L'égalité dont on parle, je sais pas, est-ce que c'est une valeur québécoise, l'égalité? Ah, ça, faudrait demander. Mais on ne sait pas, la loi va passer. Madame Surinville. Les médias n'arrivent pas à appliquer ce principe d'égalité et on est exclu, on est pris comme des figurants. Et ça, dans une démocratie, c'est pas correct. C'est on fait partie, ça. On fait partie du Commonwealth. Et dans voilà. le système britannique, l'égalité n'existe pas. Hein? Il y a la reine en haut, qui est de la foutaise. Il y a des sirs, puis il y a des lords. C'est ça, mais la réalité. Attendez un peu, là. J'aimerais quand même qu'on réagisse le tir. Parce que vous êtes, existe, c'est un principe républicain. Tu es dépensé, Jean-Philippe. Vous... Non, mais, ouais, non, mais c'est, je trouve ça intéressant parce que, un, ça remplit le temps. Ouais. Et deux, vous êtes en train un peu de faire l'apologie de notre émission. Oui. Hein? Puis c'est ça que j'aimerais qu'on dise. Mais on vous reçoit ce soir. C'est formidable. Mais c'est la fin de la première partie du débat, quand même, avant de passer à d'autres choses. On va analyser immédiatement ce débat-là. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard, qui doit être encore dans son salon. Hein? Bonjour Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va pas pire, toi? Très, très bien enclenché, franchement. Vous menez ça de main de main. C'est une bonne main d'applaudissement pour le travail de Jean-Philippe. T'es bien niaiseux. Et comme vous le savez, pour analyser, je me retrouve toujours avec l'ex-nobody et future mairesse de Montréal, la petite Mélanie Joly. Coucou Mélanie! Bonjour Jean-Sébastien. Alors, vos commentaires à chaud maintenant, vous pensez pas de nos candidats à ce statut-ci? Est-ce que vous les trouvez présentement plus ou moins risibles que vous l'étiez au mois d'août dernier? Moi, je trouve qu'il y a clairement des enjeux stratégiques de la part de M. Brûlé, parce que si on regarde ses commentaires de façon générale, il tend à attaquer l'analyste même du débat. Ça n'a pas de sens. Petit, petit, petit, vous êtes petit, M. Brûlé. Merci. Je pense que ce serait plus approprié s'il se présentait en politique provinciale ou fédérale, parce que là, j'ai pas entendu grand-chose au niveau de Montréal. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a une belle possibilité de coalition, quand on les regarde, de faire, dans le fond, une coalition entre M. Brûlé et entre M. Matondo, parce que M. Brûlé dit, dans le fond, corruption zéro, faire le ménage, et puis M. Matondo a parlé de son expertise dans le domaine du ménage. Alors, je pense qu'il y a vraiment une communauté d'intérêts là, ça vaut la peine. Mais je tiens à vraiment mentionner la très bonne prestation de Mme Tillane. Ah. Je suis très impressionnée par son courage et dans le fond, sa lutte par rapport à l'exclusion. Le fait qu'elle se bat contre l'establishment, moi, en tant que femme et en tant que, dans le fond, jeune en politique, là, je suis très, très interpellée par son message. Je pense qu'elle est la gagnante présentement dans le débat. Patricia, je suis la meilleure dans Providence, mais ça, c'est... Je vous interromps, Mélanie, on a plein de courriels ici, des gens qui sont interpellés par le débat. Alors, le premier nous vient de je sais pas qui, ça dit « Bonjour, bravo, Madame Patricia Tillane, pour votre beau travail. Merci de prendre la parole pour nous qui n'en avons pas. » Et c'est signé « Genoux et Pitou » de Candiac. Alors, si le chien et le chat votaient, je serais mairesse de Montréal depuis longtemps. Genoux et Pitou. Ils sont candiacs, c'est ça le problème. Ils ont le même problème. Un autre message qui dit « Je pense que vos trois candidats, ce sont des crises de malades et dès s'il y a trop de Montréal. » Continuez, évidemment, à nous écrire à la soirée @canada.ca. En tout cas, on vous reparle tantôt, Jean-Sébastien. Un peu plus tard. OK, bye-bye, là. J'étais curieux de vous parler. Bye. Bye. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Beautier sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui, heureusement, n'a jamais été dans les scouts, les louveteaux et encore moins les jeunettes. Il est devenu rapidement un des favoris de La soirée est encore jeune, et pour votre plus grand plaisir et pour notre plus grand plaisir, écoutons donc un peu de Radio-Vision le 14h30 AM. Vous écoutez le Radio-Vision le 14h30 AM. Jean-Étienne Eudes au microphone, avec bien sûr la toujours belle Gladys derrière la console. Go love Gladys, lumineuse, tu es le phare qui me guide dans cette tempête qu'est notre équipement vétuste. J'ai reçu cette semaine un fax de mon bon ami Gontran Civil pour m'aiguiller sur une émission que je ne connaissais pas et qui contribue à faire connaître le 14h30 AM à son insu. La soirée est encore jeune sur les ondes du CBF, le 95.1 FM. J'en suis très flatté. Je me suis permis d'écouter quelques émissions sur la grande toile et j'avoue avoir souri quelquefois, mais fort peu compte tenu de leur gargantuesque moyen. J'ai même été choqué de n'entendre que des blancs. A-t-on peur de l'humour noir? Où est Michel Pambara quand on en a besoin? Toutefois, je tiens à souligner l'effort de l'émission à présenter des nouveaux visages dans cette campagne électorale. Et j'en veux pour preuve ce débat inusité avec les trois candidats, c'est-à-dire Michel Brûlé, un homme au gros visage qui habite la ville de Québec et qui a besoin de grosses pancartes pour ne pas qu'on l'oublie. Patricia Tulasne, chère sœur, je ne vous ai jamais vue, ni au théâtre, ni dans le téléviseur, mais je sais que vous êtes végétarienne et mon cabri vous dit merci. Et bien sûr, le dernier et non le moindre, Ponel Paterne Matondo, la perle de la famille, cousin de la fesse gauche, à qui non seulement je transmets mes meilleurs voeux, mais mon appui pour la prochaine campagne. Ah, Ponel, comme je te disais à la Tropica Fête, piment paquet vente fossia. Le piment ne se vante jamais de sa force. Je sais que tu es très fort, comme la panthère qui chasse sa proie, l'écume aux lèvres, tel Macacoto à l'Assemblée nationale. Vas-y, Ponel, vas-y, Ponel, je suis derrière toi. Eh bien, déjà, on a un appui de taille ici, ouais, pour M. Matondo. Et, le débat peut attendre encore un, oui, petit peu, mais rapidement, la chronique de Fred Savard. Oui, très rapidement. Ben, on va laisser la campagne municipale de côté pour aborder un sujet qui passe sous silence, mais qui mérite qu'on s'y arrête, franchement. Et je parle ici de la charte de valeur. Oh, mon Dieu! Je m'étais dit, je voulais plus en parler, mais j'ai comme pas le choix à cause de Mme Bertrand et de son manifeste dont tout le monde parle. Même Fabienne Larouche s'est sentie obligée de nous donner son opinion sur la charte ce matin à C'est pas trop tôt. Une excellente émission, particulièrement vendredi. Hein. Mais c'était plutôt confus. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'entre sa grand-mère et elle, il y a sa mère et les trois ne sont pas musulmanes. Au moins, Fabienne n'a pas dit d'énormité comme Denise Filiatreau, qui, elle, trouve que les femmes voilées sont toutes des folles. Heureusement, Denise a eu une momentanée présence d'esprit et s'est excusée auprès des femmes voilées, mais pas auprès des folles. Et moi, on m'a dit que certaines folles n'ont absolument pas pris d'être associées à l'islam. Une chose est sûre, je n'ai pas encore d'opinion arrêtée sur le sujet et j'envie les millions de Québécois qui semblent si convaincus, particulièrement du côté des anti-chartes, je dois l'avouer. Il faut dire qu'ils ont l'appui de beaucoup d'organes officiels, comme la presse parlée et écrite, ainsi que des professeurs et chercheurs des départements de psychiatrie de l'Université McGill et Concordia, qui, dans une lettre publiée cette semaine dans le journal The Gazette, Monsieur Brûlé, vous êtes abonné à la Gazette, j'imagine? Non. Fondé par Fleury Méplet. Ah oui! Ah, la Gazette. À l'origine, c'était un journal français. Ah oui, boum, mon Dieu! Excellent! Boum, Fred! Hein, un assimilation. Je lis pas non plus. Tout à fait. Affirme donc la Gazette, nos amis psychiatres, qui affirment que selon leurs études, le fait de croire en une religion favoriserait la santé mentale. Ça s'est paru cette semaine. Donc, Jean Tremblay, maire de Saguenay, aurait toujours, selon ses psychiatres, une excellente santé mentale. Ainsi que tous ces curés qui aiment le temps farfouiller dans la foufoune ferme de jeunes brebis. Petite phrase que je dis vite, ainsi que tous ces imams. Bon, bref, vous comprenez le point. J'en viens aussi des certitudes que semble avoir une certaine gauche québécoise qui, dès les premières secondes du dépôt de la charte, a démontré une opposition sans retour. C'est peut-être cette gauche qui, parfois, pour paraphraser Michel Onfray, se transforme en idiot utile du totalitarisme. Mais la gauche québécoise ne lit pas Onfray. Elle préfère le petit prince de Saint-Exupéry. « Dessine-moi un mouton, » dit le petit prince. « Et mon amie Fatima va l'égorger à main nue pour la fête de l'Aïd. » D'ailleurs, je souhaite une belle fête à tous mes frères et sœurs d'origine musulmane de l'Aïd, c'est-à-dire nés en musulmanie. D'ailleurs, je suis assez étonné de voir combien des milliers de Québécois ont maintenant une amie Fatima qui est souverainiste, surscolarisée et surcompétente dans des domaines de pointe, mais qui songe quand même à déménager en Ontario pour pouvoir porter son voile librement. Vous trouvez que j'ai fait des amalgames? Je ne fais que suivre la tendance débat qui secoue le Québec et qui permet à n'importe qui de dire n'importe quoi comme « c'est toutes des crises de folles voilées » ou encore « Malala ne pourrait pas pratiquer la médecine au Québec parce qu'elle porte le voile ». Premièrement, elles ne sont pas toutes folles. Et deux, il y a de bonnes chances que Malala, si elle pratiquait la médecine au Québec, ne laisserait peut-être pas mourir Jeannette Bertrand et ne porterait peut-être pas le voile non plus, puisque peu de barbus menacent de tuer les femmes qui ne portent pas le voile au Québec. Et quand je parle des barbus, je ne parle pas du docteur Maillot. Heureusement, tout ça va changer parce que Marc Cassivi nous l'a bien dit cette semaine. Nous avons l'indignation bien sélective puisque pendant que nous tentons de brimer de pauvres femmes librement voilées, des milliers de femmes autochtones meurent chaque année au Canada dans l'indifférence générale, incluant d'ailleurs l'indifférence de la presse qui en parle pas beaucoup. Heureusement, si on se fie à ce que la presse a fait avec la charte, attendez-vous très bientôt à une soixantaine de chroniques et d'éditoriaux qui vont s'indigner et à la fin, une chronique de Pierre Foglia pour nous dire le contraire. En terminant cette chronique sans queue ni voile, j'aimerais rappeler, comme l'a fait Simon Jodoin sur Twitter, que les Jeannettes ne sont pas les Yvettes et que le seul rapprochement qu'on peut faire, c'est la rime. C'est vrai qu'on peut peut-être voir des similitudes entre Thérèse Cassegrain et Jeannette Bertrand, mais beaucoup moins entre Lise Payette et une inclusive. Mais bon, je ne ferai pas de cours d'histoire ce soir. L'histoire du Québec, plus personne ne s'y intéresse. C'est tellement passéiste, comme les religions et comme parfois même Jeannette Bertrand. C'est bien pour dire que tout est dans tout. Merci beaucoup, Fran. Bravo. Je vais vous faire travailler tout de suite. Ouais, présentez-nous la deuxième partie. Je suis dans le four. Nos candidats devront faire face à un barrage de questions afin de nous convaincre qu'ils sont les candidats dont Montréal a besoin. Voici la deuxième partie du débat des exclus 2013. On va poser des questions en rafale pour tout le monde. Alors, j'ai une question et je choisirai la personne qui y répondra. J'espère que vous êtes attentifs. On y va avec la première. Si vous ne vous présentiez pas à la mairie, la personne pour qui vous voteriez? Patricia Tulane. Probablement pour Michel Brûlé. Ah! Que c'est une belle réponse. Oui. Hein? Alors, Ponelle, vous avez encore du travail à faire. Alors. Mais parce que je connais pas le programme de Ponelle, on va le chercher. Puis... Ça s'en vient. La deuxième question, pour ou contre le retour d'une équipe de baseball à Montréal, Michel Brûlé? C'est pas une priorité, mais c'est sûr qu'il faut voir grand. Ouais. Donc pourquoi pas? Quelques coups de circuit, ça fait pas de mal à personne. Ça, donc, c'est totalement vrai. Mais blague à part, qu'est-ce qu'on fait avec le stade olympique? Personne n'en parle. Tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que Mme Joly, tout à l'heure, en a profité pour m'attaquer. Mais elle arrête pas de parler de New York. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Détroit. Ah oui. Hein, Détroit, qui est une ville en faillite. Il y a 800 millions... qui est au service de la dette à Montréal sur un budget de 4,9 milliards. 800 millions. Personne parle de réduction de dépenses, vous comprenez? Donc, il y a un gros problème, et le plus gros problème à Montréal, c'est le copinage. Oui. Ah! Parce que bon. Y a une surfacturation qui se fait. C'est ça le problème. C'est que les amis du système... Je suis en train de perdre le contrôle, là. Les amis qui ont des contrats de la ville de Montréal, c'est facturé x10, x20. Tout le monde est d'accord sur le gaspillage de fonds publics. On arrête ça, le gaspillage de fonds publics. Non, attention. Fini. Eux autres, ils ont des amis. Bon. C'est ça le problème. Maintenant, prochaine question. Le plus beau quartier de Montréal, Ponel. Moi, je dirais Hochelaga-Maisonneuve. C'est vrai? Parce que c'est l'humain. La valeur, c'est l'humain. Ça, c'est très vrai. C'est pas les maisons, c'est l'humain. Je change, je vote pour Ponel. Allez, ça y est, je suis maire, je viens de le 3 novembre. Je suis maire. Tous les chiens ont voté pour moi. Ça, c'est génial. Il y a peut-être quelque chose qui se passe là. Prochaine question. Le titre de la biographie de Montréal, Patricia. Désastre. Ma vie, un désastre. Ma vie, un désastre. Ouais, d'accord, voilà. Ma ville, un désastre. Mais ce qui est absolument encore déplorable. Encore un commentaire. Non, mais écoutez, je fais des notes de bas de page. Mais... Oui, je fais des notes de bas de page parce que les gens, OK, qui sont ici dans la salle, puis les gens en général veulent du changement. L'establishment, les médias en veulent pas. En voulez-vous du changement? Oui! Mais c'est ça. Est-ce que vous pensez que la bande des quatre va nous apporter des changements? Quand Mélanie Joly, par exemple, dit qu'elle va donner l'amnistie. Elle va donner l'amnistie aux entreprises qui ont étroqué Montréal. Écoutez, soyons sérieux. Il y a ma cloche à vache. OK. Soyons sérieux. Soyez calmes, je vous en prie. Gaspillage! Et moi, les chevaux de calèche! Les chevaux de calèche! On n'en parle jamais des chevaux de calèche. C'est une honte! C'est une honte, on est en 2013, les chevaux meurent dans la rue. C'est honteux pour le tourisme. OK, honteux. Merci. Les chevaux meurent dans la rue, ça mais il y en a eu un en octobre qui s'est écroulé dans la rue. C'est honteux. C'est pour ça que je me bats. C'est honteux pour Montréal, le tourisme, c'est honteux. Merci, du calme, l'Assemblée, merci. OK, prochaine... Mon Dieu que j'ai chaud. Prochaine question. Le squelette que vous avez dans le placard, Ponel. Monsieur Denis Coderre. Vous avez des liens qu'on connaît pas avec des Nicolas. C'est intéressant, ça. Ça n'a pas de bon sens. Gros, mais petit. Prochaine question. L'action la plus honteuse que vous avez commise. Michel Brûlé, vous avez 2 minutes. La plus honteuse, écoutez, ça serait trop long à raconter, ouais, mais ça serait très drôle. On est à 19h. Non, mais ça serait très, très drôle. Ouais, on est donc, fait que c'est ça. C'est ah, trop, c'est tout. Ça serait trop OK, d'accord, drôle. D'accord. Et là, la vraie dernière question. Le meilleur maire depuis la fondation de Montréal. Et on y va un après l'autre. Michel Brûlé, un nom. Wow. Impressionnant. Impressionnant? Pas. Ben, impressionnant la question parce que c'est très vaste. C'est sûr que. Gérald si Tremblay, on regarde... on s'entend là-dessus. Non, ça, Patricia c'est sûr que non. Non, mais c'est sûr que Jean Drapeau, c'est sûr que. Jean Drapeau, il a marqué. Patricia Tulane. Moi, je pense qu'il est à venir et que c'est moi. Ah, mon Dieu! Extraordinaire. Ponel! Moi, je crois que si je serai un bon exemple, en 4 ans, tout va changer et c'est très bon moi. Ça. C'est très bon ça, bravo. Prochaine question, c'est très très très bon. Prochaine question, vous êtes pour la charte la plupart, les trois en fait, vous êtes pour la charte, enfin. Ouais, moi, ouais. À une condition. À laquelle? Je suis pour, mais il faut qu'elle soit générale. Qu'il n'y ait pas d'exception. Ah, ça c'est bon ça. Mais ça s'en vient ça, je pense. Aucune exception, ni dans les hôpitaux, ni dans aucun secteur. Elle frappe tout le monde. C'est la loi est générale, un point, c'est tout. Je vote mais moi, ce que je trouve terrible, okay, c'est le côté, c'est le côté partitionniste des quatre candidats dont on entend toujours parler, c'est-à-dire qu'ils veulent retirer Montréal de la charte. Et moi, je trouve ça terrible. Montréal et la métropole. Je me suis même pas rendu à la question, là, M. Brûlé. Allez-y. Bon. Alors, vous êtes pour la charte. Oui. Bonnel et Patricia, vous aimez les animaux. J'ai lu ça dans vos programmes, quand même. Bonnel, on fait une alliance. Ouais. On a une alliance ici, là. OK, OK, oui. C'est intéressant. Oui. Michel et Patricia, vous parlez des parcomètres. Vous voulez un peu, là, vous voulez donner du lousse aux consommateurs. Oui, le dimanche. Alors, donnez-moi à tour de rôle une bonne raison pour ne pas vous regrouper et former une coalition. Ben, j'ai voulu travailler avec Patricia, peut-être la prochaine fois. C'est vrai? Mais je pense que c'est important qu'elle passe son discours aussi. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais passer mon discours parce que les politiciens n'entendent pas ce discours. Je suis tannée. C'est des millions de dollars là, qu'on s'en va investir dans le jour passe sur ma cassette, comme toi. Ouais, mais c'est une cassette beaucoup plus intéressante. Mais non, mais c'est parce que nous allons investir collectivement 25 millions de dollars dans un centre animalier avec un roulement de 8 millions de dollars par année. Ça, c'est 4 millions de moins que le budget de la culture, sans vouloir régler le problème en amont. Alors, on va payer. Ça, c'est, écoutez, c'est l'exemple parfait de la mauvaise gouvernance à Montréal. On dépense des millions de dollars et on ne règle jamais les problèmes. Mais elle a tellement raison. Écoutez, à Bucarest, il y a des tonnes de chiens errants. C'est un problème. Je suis déjà allé dans une ruelle. Alors, vous avez des animaux aussi? Non, oui, mais c'est parce qu'il y a une saine gestion. Il faut gérer ça de façon éthique. De façon éthique et responsable. Là, il y a une mauvaise gestion des animaux de compagnie à Montréal. C'est désastreux. Mais, ça nous coûte une fortune. Et on tue des millions d'animaux. C'est dans tous les domaines. Voilà, c'est l'exemple parfait de la mauvaise gouvernance. Tous les dossiers sont gérés de la même façon, sans planification, sans personne pour y réfléchir. Et ensuite, voilà, il n'y a aucun résultat. Mais moi, ce que je pense. C'est pas un débat, c'est comme une gang qui parle ensemble. Vous êtes tous d'accord. Oui, oui, oui. Ouais, mais c'est parce que j'aurais aimé ça être avec d'autres aussi. Ben oui, c'est ça. Moi, j'aimerais ça être invité. C'est parce qu'on est des politiciens qu'on est tous d'accord. On est des politiciens. Alors, on n'est pas des politiciens, donc on a un discours. Non, c'est ça, on n'est pas des politiciens. Voilà, on est un discours de citoyens écœurés par ce que font les politiciens qui ne font rien, d'ailleurs. Ah bon, voilà. C'est écœurant, cette histoire-là. Non, mais vraiment. La première rangée devrait applaudir, là, avec 8 bières dans le corps. C'est le minimum. Ils sont plus capables. Ben non. Non, mais c'est l'implication citoyenne ici. Mais quand on parle, par exemple, des parcomètres puis des contraventions, moi, je pense, je suis allé dans 55 pays, je pense que c'est à Montréal où on émet le plus de contraventions au monde. C'est du délire. C'est effrayant. Faut arrêter d'écœurer le monde. Mais le problème, c'est qu'on se fait voler à coups de milliards à Montréal. Voilà. C'est pas juste la corruption, c'est pas juste la collusion, c'est le copinage. C'est les amis qui gravitent autour des quatre gros partis. Vous allez voir comment est-ce qu'ils vont se servir après les prochaines élections. Alors, ça va être terrible. Moi, je veux tout redonner aux Montréalais. Ben mon Dieu! Il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, mais là, il va falloir qu'on passe à une autre question. Le temps passe et le temps file très vite. La prochaine question, vous allez me donner une qualité, hein? À un autre candidat qui fait ben, j'ai quasiment envie de vous demander une qualité des candidats, les quatre grands candidats, parce que vous n'avez pas l'air en trouver beaucoup, hein, que ce soit avec Marcel Côté ou Richard Bergeon, mais quand même, je vais y aller. Michel Brûlé, une qualité que l'on pourrait donner à Ponelle. OK, je pensais que vous alliez me parler des candidats. Non, parce que vous allez être méchant, alors je vais y aller, je vais rester ici. Ben moi, je vais répondre, c'est son humanité. Il est très humain, ce monsieur Ponel. Il est formidable. Ben on est d'accord. Non, mais on a besoin. Et un humaniste, c'est aussi quelqu'un qui aime les animaux. Je suis désolé. Voilà. Bon. On a besoin de gens comme ça dans le débat. Vous comprenez? Parce que, justement, il y a seulement 39 % des gens qui sont allés voter. Il y a 12 % des jeunes qui sont allés voter aux dernières élections. Et on nous présente... Moi, mon parti, par exemple, c'est le seul qui n'est pas associé au Parti libéral du Canada. Les quatre partis dont on parle tout le temps sont associés au Parti libéral Qu'est-ce du Canada. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec le Parti libéral du Canada? Ben, c'est quand même réputé pour être le parti le plus corrompu de toute l'histoire, vous comprenez? Et ils n'aiment pas les animaux, en plus. Le Parti libéral du Canada, je sais pas. Ça, c'est pas prouvé, ça. C'est juste le colonel Sanders qui les aime pas. C'est ça. Hey, non, mais écoutez, le Parti libéral du Canada a été mêlé dans les deux grosses commissions. C'est vrai. Gomery et Charbonneau. Et donc, on a quatre partis, puis là, on a des voix qui sont divergentes, on a des voix qui sont différentes, et on les entend pas. Vous avez 15 secondes, chacun, pour terminer, clore, avec un mot de la fin. Je dis 15 secondes parce que je sais que Michel va nous faire des notes de bas de page. Fait que là, j'ai besoin de 15 secondes chacun pour clore et pour convaincre les Montréalais et la rangée d'en avant, qui est, à mon avis, assez facile à convaincre à ce stade-ci, qu'il faut vous élire. Michel Brûlé, vous commencez. 15 secondes. Je suis un homme d'affaires qui a des idées de gauche. Montréal a besoin de ça. Montréal a besoin d'un homme intègre. Moi, je l'ai dit... Je suis indépendant de fortune. L'argent ne m'intéresse pas. Puis j'aime mieux mourir qu'être croche. Et j'ai pas de petit ami. Bravo, bravo. Ouais. C'est très convaincant, ça. Mourir, elle aime mieux mourir que d'être croche. C'est fort. C'est, ouais, ça, mais c'est vrai. Ça fait peur. Patricia Tulane, 15 secondes. Et moi, je suis une citoyenne qui désire m'impliquer au service des citoyens. Il faut rompre avec cette culture des partis politiques qui nous ont justement menés aux commissions Charbonneau et autres dont parlait Michel. Ce ne sont pas les politiciens qui peuvent sauver Montréal aujourd'hui. Ce sont des candidats indépendants. Ce sont des gens qui ont à cœur le bien-être des citoyens de Montréal, y compris ses animaux. Merci, Patricia. Alors, votez pour moi. Vous avez 15 secondes, Ponel. C'est à vous. Moi, je suis Montréalais. Je suis outré, déçu, compressé, tout ce que vous voulez. Je veux plus de cette politique-là. Je suis venu à Montréal pour vivre comme on vit en Occident. C'est pas pour revivre ce que je vis en Afrique. Donc, je vais plus fuir Montréal. Je vais lutter contre jusqu'au bout. Donc, vous avez le droit de me voter et vous allez me voter, je le sais. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. 23 secondes pour ça. Hey, merci énormément. On a eu un débat. Oui. On a eu un bon. Ben, en fait, c'était plus une communauté d'esprit. Mais quand même, on va aller trouver Jean-Sébastien Girard qui va analyser tout ça avec Mélanie Joly. Jean-Sébastien. Oui, ben oui, voilà. Toujours à la maison avec Mélanie Joly. On suit ça avec beaucoup d'intérêt. Le débat est fini, ma princesse. Évidemment, la question qu'on se pose toujours à la fin d'un débat comme celui-là, ouais. Lequel a eu l'air le plus fou? Je parlerai de Jean-Philippe Poultier. J'ai eu de la difficulté en tant qu'animateur à animer le débat. C'était pas facile. Tout le temps comme ça. Ce que j'ai retenu de Mme Tulane, c'est vraiment les parcomètres de calèche. Vraiment intéressant. Aussi, que le fait que M. Brûlé n'a pas beaucoup d'amis sauf un squelette en bikini. Et puis également que M. Matondo était d'accord avec le frais changement. Alors, qui est quand même notre parti. Et puis, justement, nous, on est tous des nouveaux venus qui ont décidé de se lancer en politique pour faire une différence. Alors, je suis bien contente que, dans le fond, là, quand on les écoute, là, les trois candidats sont pas mal d'accord avec nous, puis ils vont voter pour le vrai changement le 3 novembre. Enfin, une analyse rigoureuse de Radio-Canada. Il y a encore découvert. Ça arrête pas ici. Il y a quelqu'un qui nous écrit « Cachez vos sacoches puis vos objets de grande valeur. Ponel est dans la place. » Et c'est signé D.R. Mayou, Mélanie Joly. On va profiter de votre présence pour parler un peu de votre campagne. Est-ce que maintenant votre équipe est complète ou si vous avez encore besoin de candidats? Je veux dire, une jolie fille transsexuelle, votre maman, la madame du magazine Simitaine au Labé. Ça fait des années, ça fait plusieurs mois qu'on en discute. Moi, j'étais convaincue qu'elle était embarquée avec nous. Mais pourquoi t'es pas là? Que j'ai une carrière riche et fructueuse. Madame Joly, ce fut un vif plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes la preuve que les derniers sont les premiers, comme le chante si bien Céline Dion. Et nous, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine, mon bon Jean-Philippe. Ben, je vous remercie beaucoup. Hein. Vous avez été d'une aide. Ben, c'est ça. OK, bye! Bye! Merci, Jean-Sébastien. Bon, on est souvent gênés de l'applaudir. Oh. Ouais. Fred, c'est notre avant-dernier chroniqueur, oui. Allez-y. Si l'écoute de la radio Jambon est une religion pour lui, il faudrait une charte pour l'empêcher d'être ostentatoire. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ah! Ben, il est drabe, qu'est-ce que vous voulez? Allez, Olivier. Ben, les rumeurs d'élections provinciales se multiplient comme en font foi la ribambelle d'annonces de subventions faites par le gouvernement marois. Et certains pourraient y voir de bonnes nouvelles pour nos entrepreneurs. Mais selon Éric Duhaime, derrière ces annonces se cachent des drames insoupçonnés. C'est toutes des annonces où tu peux pas t'opposer à ça, là. Ben oui, tu peux t'opposer à ça. Moi, quand ils donnent des millions de dollars de mon argent pour financer des jobs artificiels qui sont pas rentables puis qui tuent du monde parce qu'il est surtaxe pour financer ça, je compte ça. Oui, parce que tu vas au-delà des choses. Oui, il va effectivement au-delà des choses dans un autre univers même. Remarquez que ça ferait une belle pub quand même, là. Attention, les subventions tuent. Un message du réseau Liberté Québec. D'autre part, TVA présentait cette semaine une série de reportages sur les sweatshops au Bangladesh où les employés gagnent 4 $ par jour dans des conditions de misère. Or, selon Sylvain Bouchard de Cogeco, ce n'est pas si pire puisque le coût de la vie au Bangladesh est pas mal plus bas qu'ici. Puis en plus, tout ça permet aux jeunes d'étudier. Ces usines-là que tout le monde décrit, que tous les gauchistes veulent faire fermer, ça a augmenté de façon spectaculaire le niveau d'éducation, que ce soit au Vietnam, Taïwan ou ailleurs. Comment ils ont payé leurs études? Ils n'ont pas tapé ces casseroles dans la rue. C'est deux façons de faire. Si on sort dans la rue, on tape ces casseroles, on fait des beaux sourires avec Pauline, on casse des vitres, puis on a une éducation gratuite. Là-bas, ils ont travaillé. Pire encore, pire! C'est probablement les Bangladais qui ont fabriqué les casseroles que nos jeunes ont tous tapées. C'est scandaleux! Passons maintenant à la campagne électorale municipale et à la montée de Mélanie Joly. Madame Joly, qui d'ailleurs ne devrait pas festoyer trop vite puisque son cheese whiz manque peut-être de mouton. Je dirais que l'appui de Mélanie Joly est étendu un petit peu comme du cheese whiz, une toast chaude, tu comprends? Ça n'a pas de mouton. On se souvient que la dernière fois que Jean Lapierre nous avait sorti sa parabole du cheese whiz, c'était au sujet de la CAQ avant les dernières élections. François Legault, est-ce que sa clientèle est tellement éparpillée que ça a l'air un peu du cheese whiz, une toast chaude, ou s'il y a des moutons à droite et à gauche? Et ce n'est peut-être pas de bon augure pour Mélanie Joly, parce que depuis, la CAQ ressemble plus à du Velvita, puis ça, il n'y a plus grand monde qui en mange à part Fred. De son côté, Denis Gravel de Radio X tenait à revenir sur un de ses sujets de prédilection, le manque de respect au cinéma. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je vais moins au cinéma. Je dirais même que c'est la raison principale, c'est les Christy de Colomb qui savent pas vivre. C'est ce qu'on appelle de l'indignation à deux vitesses, puisque ça n'inclut pas le monde qui, comme Denis, alors qu'il est allé voir un show de Metallica au cinéma, se lève pour aller faire pipi. Quand faut y aller. Hein. Ouais, mais c'est pas. Encore là, tu choisis tes moments. Metallica, IMAX, j'avais envie de pisser, j'étais allé en deux tonnes. Et ça n'inclut pas non plus le monde qui joue du drum dans le vide. Il y a une madame de Radio-Canada à la télévision qui a parlé de moi sans le savoir, parce qu'elle disait, là, à côté de moi, il y avait quelqu'un là qui faisait du tambour dans le vide. C'est un show de Metallica, excuse-moi d'aimer ça. Là. Non, mais tu sais, quand t'es tellement gossant au cinéma qui en parle au téléjournal, peut-être que tu devrais t'abstenir de donner des leçons. Pour rester dans les enjeux de société, parlons un peu de la Charte des valeurs. Richard Martineau faisait à TVA cette semaine un appel à un débat plus calme. Pas des Camille, j'ai pas des personnes. De crier dans la gueule. C'est tout! Vous allez vous fucking vous lâcher, là! Ah non, ça c'est un débat entre les filles d'Occupation double. Ah, à ne pas confondre, même si ça se ressemble, je disais, Richard Martineau demande aux gens de faire attention à ce qu'ils disent. Quand j'entends les affaires comme Jeannette Bertrand, une femme que je respecte, cela dit énormément, mais qui dit, moi j'ai peur, les infirmières vont aller parce que j'ai peur, peut-être qu'ils veulent pas me soigner parce que je suis vieille et ils veulent se débarrasser de moi. On entend un peu n'importe quoi. Et Martineau sait de quoi il parle, puisque dimanche, il écrivait dans le Journal de Montréal que le KKK et les nazis doivent être très jaloux des islamistes qui réussissent à justifier le port du voile. Alors que l'on croyait que tout le monde avait émis son opinion sur la charte, ben Radio X a cru bon nous présenter une autre opinion éclairée. Si vous deviez avoir des services qui vous sont offerts par le gouvernement du Québec et que ce soit une femme qui aurait le niqab, quelle est la position du mouvement raélien là-dessus? Et si vous voulez savoir, même les extraterrestres sont contre la charte. Je pense que ça clôt le débat. Merci beaucoup, Olivier. Hey, vous, on le sait... Paul Desmarais est décédé la semaine dernière et on en a parlé évidemment, mais ce qui adviendra de son empire est un peu dans le flou, mais heureusement, notre ami Serge Quelque Chose a des propositions pour nous. On écoute. En direct de Charlevoix, c'est Serge Quelque Chose en plein cœur de la grande vente de succession du domaine Sagard. Attention, mégalomane en devenir, vous cherchez une résidence secondaire à votre échelle? Le style rococo cheap ne vous fait pas peur? Vous aimez vous promener d'une pièce à l'autre en hélicoptère? On a ce qu'il vous faut avec le domaine Sagard dans un décor enchanteur qui a convaincu plus d'un premier ministre. Enfin, vos enfants auront assez de place pour courir sur votre futur terrain, à peine plus grand que la Belgique. Amateur de golf, il y a même un parcours de 18 trous selon Tiger Woods. Ce serait un des plus beaux au monde et laissez-moi vous dire que Tiger s'y connaît en matière de trous. Il n'est pas battable, il n'y en a jamais manqué un. D'ailleurs, pour votre vestibule, laissez-vous tenter par un beau paillasson crotté par les plus grands de ce monde, dont George W. Bush, Lucien Bouchard et Jean Charest. C'est là-dessus d'ailleurs qu'André Pratt dormait quand il venait chercher les ordres du boss. Parlant du boss, il laisse aller pour une bouchée de pain le journal La Presse. Ça vaut plus grand-chose, mais ça peut servir si vous détestez le PQ ou la Charte des valeurs. C'est pas mal la même chose. Et comme dirait un ami de la famille, Nicolas Sarkozy, bah si t'es venu pour rien acheter, ben casse-toi, pauvre con. Alors on est là toute la fin de semaine à la grande vente de succession de Sagard parce que votre influence n'a pas de prix. Eh bien, on termine notre émission avec notre dernière chroniqueuse, Fred. Lâchez-vous lousse. Son regard absurde sur l'actualité est un antidote à la morosité ambiante. C'est un peu comme une cure de jouvence pour notre cerveau, mais sans botox. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Léa! Allô! Léa, vous êtes loin ce soir vos sièges sont remplis. Olivier. Votre siège est rempli. À la place d'Olivier, tout change ce soir. Très perturbant. Les nouvelles insolites de la semaine, il y a une famille française qui se fait retirer son caïman à lunettes. Oui, Ça n'est pas un animal domestique, donc il ne risque pas de mourir dans les rues de Montréal. Ça, c'est vrai. cette sorte de crocodilien n'aurait aucune réponse à l'affect. D'après moi, c'est parce qu'il s'est trop fait niaiser à cause de ses lunettes. Deuxième nouvelle, selon une étude le Sprite serait la meilleure boisson contre la gueule de bois, selon une étude. Oui, et selon mon étude personnelle, la vodka serait la meilleure boisson pour... La gueule de bois. Merci. Mon Dieu, ça va très vite cette semaine. C'est déjà tout, on passe à la troisième? Ok, d'accord. Allons-y. Alors, la troisième nouvelle de la semaine, un couple se fait pogner en train de faire l'amour dans un avion. Ah, ça, j'ai jamais fait ça. Non, absolument. J'ai rien à dire là-dessus. Donc, oui, et selon... Non, c'est ça, c'était l'autre nouvelle. Je suis déstabilisée, Jean-Philippe. C'était ça, la Oui, c'était une madame qui performait l'amour oral sur un monsieur, donc, en s'en allant à Las Vegas. Ouais. Premièrement, j'ai honte pour vous. Pour moi? Non, pour le couple qui s'est fait pogner. Ouais. Deuxièmement, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais cette valeur, vous n'étiez pas encore rendu. Ouais, c'est ça qui est le problème. Ouais. Ouais. Des patients se font donner des... Ah, c'est vrai ça, des patients se font donner des pilules à base de merde. À base de caca, j'avais écrit. Ah, pardon, oui, je sais, je voulais pas le dire. Ça n'est pas une blague, c'est vraiment à base d'excréments, c'est pour lutter contre la bactérie C'est difficile. Okay. D'ailleurs, je sais pas qui a nommé la bactérie C'est difficile, mais je trouve pas que c'est vraiment de bon goût. Et je suis vraiment très bien placée pour savoir ce qui est de bon goût, vu que je suis en train de faire des jokes sur du caca. Ouais. Ben, merci beaucoup, Léa, ça se pourrait qu'on vous coupe finalement. Mais je dis vous que c'est déjà terminé. On a fini un débat qui est extraordinaire. Vous restez à l'écoute, s'il vous plaît, dans quelques minutes. C'est la bibliothèque de René où il y aura plein de sujets intéressants, comme d'habitude. Merci à toute l'équipe. Il y a Marilène Racicot, Jean-Loup Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge et le grand Alex Courteau. Et un merci spécial à nos trois invités de ce soir. Bonne chance aux élections du 3 novembre. Continuez de vous faire voir. Et très honnêtement, un sincère bravo pour votre implication. On les applaudit. Je vous remercie beaucoup, Patricia Tudan, Michel Brunet et Fonelle Fabien Matondo. Et écoutez notre balado en vous rendant sur notre site web. Venez assister à l'enregistrement la semaine prochaine. C'est vendredi 16h. Vous nous envoyez un courriel. Nos invités, Jemila Benhabib et le dragon Alexandre Taillefer. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ce débat pour les candidats de la Ville de Montréal. On vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.